życie pada, ścicznie męki. Życie pada, ścicznie męki. Życie pada, ścicznie męki. Alors życie pada, ścicznie męki. Comment fait-on pour ne pas mourir quand elle s'en va, quand on la voit partir? Je crois bien qu'on aime. Pour convaincre la chair, pour convaincre la chair de nous appartenir. Je crois bien qu'on est quand même un peu. Alors je te pardonne si tu ne m'aimes plus. Donc je te pardonne si tu ne m'aimes plus. Je te pardonne si tu ne m'aimes plus. J'en vais vers d'autres aventures et je repars vers les chemins perdus. Mais je te resséduirai, je te resséduirai.